guerre. De Wong Kong Lee et que Christophe n'aurait pas découvert l'Amérique. Tous les crimes commis par l'église catholique qui n'est aucune guerre. Sans visage, point d'esclavage, le monde des rapages, les mots de la terre ne font que défaut à tous les repos, à tous les saligots. Imagine que Ferdinand soit pas fait buter, que Vichy n'ait point signé tous ces traités, que le nez Cléopâtre était des droits. Ça se trouve César aurait été plus droit. Sous le haine, qu'on vive encore au jardin des terres. Que l'humain maîtrise un monde de vie anarchique. Que les pays du tiers-monde ne soient pas tous des tropiques. Que la mère d'Adolphe est avortée. Même si je t'ai blessé, essaie de projeter par la force des mots que je dégage, sous forme d'image, avec mon propre langage. Ce qui suit ne réjouit qu'une petite partie bien définie. Que je définis point de bandit. Imagine que les flics ne commettent pas de bavure, qu'aucun artiste ne subisse de censure. Soit pas fait crucifier, que Danton lui s'était pas révolté. Que chacun n'est point vendu à l'Angleterre, une partie de ses terres, la plupart de ses frères. Que l'homme n'est point créé la tour de Babel. Que la NN ne laisse aucune séquelle. Que Pasteur n'est point combattu la rage. Imagine qu'on vive encore comme au Moyen-Âge. Des âges sont comme des astres, que Tom et Mac faisons gaffe et soyons pas très très fast. Imagine le hip-hop français sans le roi R, sans tous ses militants Malcolm, Lumumba, Luther.